Africa, le lentembe, kembe, kouaï. Environnement, bignon, comme on n'en cause. Africa, le lentembe, kembe, kouaï. Environnement, bignon, comme on n'en cause. Sénégal, le lentembe, kembe, kouaï. Ndax ci bëgg sa réew jëm ko sellal mooy naa tangi Africa ñu leen jëmbat jëmbat waay environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal Masamba ak Salimata pour te gémmin doom a sa famille bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dundi Africa ñu leen jëmbat jëmbat waay environnement bi bay liggéeyal na Sénégal boo ko sàmmee di nga ma sa dundi Africa ñu leen jëmbat jëmbat waay environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal Environnement bi ñun ñoo ko moom nan ko sellal